Au fil des années, ils ont fini par accepter. Aujourd'hui, on les filme avec vous. Colle-toi bien. Mais c'est un peu particulier. On voit bien ta mère comme ça. Car c'est le jour de votre mariage. Voilà, nickel. Et vous êtes tous habillés. Allez, on rentre tous dans l'église, là, ça tourne. Allez-y. Allez. Ils sont heureux de vous voir épouser une jolie demoiselle. Vous avez rencontré sur le film Les Trois Pucelles. Vous arrêtez le X, comme ça tout le monde est content. Sauf votre petit neveu Popol, qui lui trouvait ça très marrant. Voilà, c'est fini. Mais je vous ai réservé une petite surprise en plage 36. Ma première fois en studio.